Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Si vous avez écouté Futur Simple la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être que nous avons fait une incursion dans le monde de la mécanique quantique avec Bora Hong, qui est professeur au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure à Montréal. Il nous a expliqué ce qu'est l'intrication quantique, ce que sont des photons corrélés, et on va poursuivre aujourd'hui sur ce thème pour découvrir comment ces propriétés de la matière trouvent des applications dans les ordinateurs quantiques, la cryptographie quantique et la communication quantique. Alors, Bora Hong est de retour aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Bonjour Bora, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau au micro de Futur Simple. Bonjour Valérie, c'est un plaisir. Alors, pour commencer, je crois qu'il faudrait nous réfléchir un peu la mémoire pour nous rappeler en quelques mots ce que c'est cette intrication quantique, en prenant par exemple les photons, donc des photons corrélés. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'était? Oui, donc lorsqu'on examine la matière à son niveau fondamental, les particules qui la composent obéissent aux lois de la mécanique quantique. Donc, c'est le cas des photons, okay, qui sont les particules élémentaires qui composent la lumière, la radiation lumineuse. Or, il est possible de créer deux photons ou même plus suivant un processus d'intrication quantique qui fait en sorte que ces deux photons partagent des propriétés de manière très intime. Donc, on va dire que ces photons sont corrélés. Et ce, peu importe la distance qui les sépare. Donc, c'est d'une certaine façon, ces deux photons intriqués, ou on les appelle aussi les photons corrélés, forment un seul et unique système quantique. Et donc, les ingénieurs et les scientifiques travaillent sur la création de ces systèmes quantiques formés par plusieurs particules corrélées pour différentes applications et majoritairement dans le domaine de l'information quantique. D'accord. Donc, quelles sont justement les applications en information quantique? Donc, pour introduire le sujet, il est utile ici de faire une comparaison avec les ordinateurs conventionnels, dont les professeurs traitent de manière séquentielle les bits 1 et 0, okay, pour effectuer différents calculs. Et alors que les ordinateurs quantiques reposent sur l'interaction de plusieurs qubits, hein, Q-U-B-I-T-S. Donc, un qubit, qui veut dire un bit quantique, contrairement au bit conventionnel, le bit classique qui peut avoir deux états distincts, soit 0 ou 1, alors le qubit, lui, reste dans un état indéterminé, à quelque part entre 0 et 1, et ce aussi longtemps que son état n'est pas mesuré. Et donc, c'est la particularité des qubits. Et donc, les ordinateurs quantiques ont un mode de fonctionnement complètement différent des ordinateurs conventionnels parce qu'ils peuvent effectuer des problèmes en utilisant ces nombreux qubits dans leur état indéterminé, okay, jusqu'à ce qu'on demande d'effectuer un calcul où là, on peut mesurer le résultat final sous la forme de 1 et de 0. Et donc, ces ordinateurs quantiques peuvent en principe nous aider, peuvent traiter un grand nombre de possibilités. Et ça peut donc aider dans l'étude des interactions chimiques, par exemple, en différentes molécules, dans la recherche de nouveaux médicaments, et aussi dans le déchiffrement de clés cryptographiques, okay, qui sont comme par exemple l'algorithme RSA, qui est couramment utilisé pour sécuriser nos communications sur Internet. Donc, l'algorithme de cryptographie RSA repose sur la factorisation du produit de nombres premiers. Donc, c'est un problème mathématique difficile à résoudre en pratique avec des ordinateurs conventionnels, ce qui permet d'avoir un haut niveau de sécurité encore aujourd'hui. D'accord. Mais donc là, si, d'après ce que vous venez de dire, donc ce déchiffrement des clés cryptographiques, c'est-à-dire qu'avec la puissance de calcul des ordinateurs quantiques, permettrait de déchiffrer justement ces clés et que les communications seraient moins bien protégées? C'est exact. Donc, la sécurité des communications et des données informatiques est en quelque sorte menacée par la progression des ordinateurs quantiques en raison de leur capacité de calcul décuplée, qui est vraiment révolutionnaire par rapport aux ordinateurs conventionnels. Quoique, on n'en est pas encore rendu là. Mais disons qu'à moyen et long terme, c'est une chose qui risque d'arriver. Et ça affecte aussi une autre technologie émergente dont le fonctionnement repose sur des clés cryptographiques et la résolution de problèmes mathématiques complexes. Et ce sont les crypto-monnaies, okay, dont la plus connue est le Bitcoin. Donc, encore ici, les avancées des ordinateurs quantiques menacent la sécurité des données enregistrées sur la chaîne de blocs. Donc, il y a des enjeux d'une importance globale dans l'avenir des technologies quantiques. Et c'est pour ça que plusieurs pays industrialisés se disputent une course dans le développement des ordinateurs quantiques. Et le prix à gagner est un avantage stratégique au niveau de la sécurité et des capacités de calcul du pays. Et en parallèle avec cette première course au niveau des capacités de calcul, on a aussi une autre course qui est le développement d'un réseau de communication quantique. Bref, vers un Internet, un futur Internet quantique qui promet un niveau de sécurité inégalé. Donc, si je comprends bien, là, on a deux courses qui se jouent en parallèle. Il y en a une qui profite de la puissance de calcul des ordinateurs quantiques pour casser les algorithmes de cryptographie. Et il y a une deuxième course en parallèle qui se joue pour sécuriser le transfert d'informations dans Internet. Oui, c'est bien cela. Donc, la course vers des communications quantiques nous permettrait de sécuriser davantage nos réseaux de communication face à des attaques formulées par un ordinateur quantique. Et donc, en théorie, ils offrent ces réseaux de communication quantique un niveau de sécurité en théorie inviolable parce qu'ils emploient des qubits pour transporter l'information au lieu de bits classiques. Donc ici, il est utile de préciser que les qubits, en pratique, sont formés par des photons de lumière qui voyagent dans les fibres optiques des réseaux de communication. Et c'est typiquement l'état de polarisation des photons, soit horizontal ou vertical, dans lequel on va encoder l'état 0 et 1 de ces qubits. Donc, si un espion veut lire les données d'un qubit transporté par un photon, il doit inévitablement mesurer l'état de ce photon et ce qui va révéler sa présence, parce qu'il va le détruire en mesurant l'état du photon. Donc ça nous ramène à l'attrait principal d'un réseau de communication quantique qui est la sécurité du transfert d'informations. Et on note ici que ce n'est pas la rapidité ou la bande passante du canal de communication quantique qui est intéressant parce que les taux de transfert dans un canal de communication quantique sont très lents, soit environ 1 million de fois plus lents que les canaux de communication conventionnels qui emploient des bits. D'accord. Et donc, vous, dans ce cadre-là, dans cette perspective-là, quels sont vos projets de recherche? Parce que vous travaillez dans ce domaine-là. Oui, absolument. Donc, très récemment, dans la dernière année, on a fait des recherches dans ce sens et on a développé, en fait, depuis plusieurs années, une expertise dans mon groupe de recherche dans le développement de fibres optiques spéciales qui permet de guider des photons avec un moment angulaire orbital. Donc, on va utiliser l'acronyme MAO pour moment angulaire orbital. Et donc, contrairement aux photons émis par des lasers conventionnels qui se propagent en ligne droite, les photons avec MAO se propagent avec une trajectoire en forme d'hélice. Et donc, ces photons avec moment orbital ont des états bien définis qui correspondent au taux de rotation de leur mouvement hélicoïdal durant leur propagation. Donc, en bout de ligne, ce que ça nous offre comme avantage, c'est qu'on a un plus grand nombre de degrés de liberté par rapport à un photon conventionnel, que je vais dire conventionnel, un qubit, Et donc, on va utiliser par exemple l'image suivante. Donc, un qubit, un photon qubit qui encode son état via la polarisation horizontale, verticale, on peut imaginer que c'est comme une pièce de monnaie pile ou face, qu'on envoie l'information pile ou face dans une fibre optique et qu'on mesure l'état à la fin, à son arrivée, soit pile ou face. Alors qu'un photon avec moment angulaire orbital, on peut imaginer que c'est comme un dé à 6 faces, qui lui, donc, a 6 états différents sur lesquels on peut encoder de l'information. Et donc, ça nous amène à des systèmes quantiques de haute dimension. Donc, les photons avec moment angulaire orbital, grâce à un plus grand nombre de degrés de liberté, nous permet d'avoir des systèmes quantiques à haute dimension. Et on va donc parler ici de QDIT, QUDIT, pour indiquer ces systèmes quantiques de niveau supérieur, c'est-à-dire de niveau 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, au lieu de deux seuls niveaux dans le cas des qubits. Et ça décuple encore la puissance de calcul? Et donc, au niveau des canaux de communication quantique, ça décuple le nombre de bits d'informations qu'on peut transmettre, qu'on peut encoder sur un seul photon. Donc, ça augmente la capacité du système à traiter l'information. Il y a aussi un avantage au niveau de la robustesse du canal de communication quantique. Donc, ça peut accroître la robustesse du canal de communication parce que des études ont démontré qu'il devient moins sensible au bruit ambiant. Et lorsqu'on parle de bruit ambiant, on va parler de fluctuations de température du milieu, les vibrations dans le milieu et aussi des photons en provenance de l'extérieur. Ah, qui pourraient venir contaminer le signal? Exactement, oui. Donc, c'est toutes des formes de bruit parce que les qubits et les qudits sont, étant donné que c'est transporté par des photons uniques, ils sont extrêmement fragiles, leur état est fragile. Et donc, un des objectifs de notre recherche dans notre groupe est de démontrer un système de distribution secrète de clés de chiffrement quantique basé sur un système à 6 niveaux. Basé sur un lien de fibre optique spécialement optimisé pour transporter ces 6 niveaux QDIT et qui emploie donc ces photons avec moment angulaire orbital sur une distance d'au moins 1 km. D'accord. Mais là, vous avez dit distribution secrète d'une clé de chiffrement quantique. Donc, distribution secrète, est-ce qu'il y a un sens particulier à secret ou… Oui, donc la distribution secrète, ça fait référence au fait que deux parties vont partager une clé d'encryption, une clé de chiffrement dans un canal de communication sécuritaire, un canal de communication quantique. Et la raison pourquoi on utilise le mot secret, c'est que le protocole de transmission de cette clé de chiffrement fait en sorte qu'un espion ne peut pas intercepter cette communication. Et donc, dans le premier protocole de distribution secrète de clés quantiques est nommé BB84 pour les auteurs de ce protocole, qui sont Charles Bennett et Gilles Brassard de l'Université de Montréal. Et il peut être implémenté en pratique avec une source de photons unique, dont l'état de polarisation horizontale, verticale, permet d'encoder des qubits. Et donc, il y a toute une procédure aléatoire d'émission et de détection de qubits entre les deux parties qui veulent se transmettre cette clé de chiffrement qui permet d'assurer une sécurité en principe inviolable. Et donc, mais il y a d'autres protocoles de distribution secrète de clés quantiques qui utilisent aussi des sources de photons uniques corrélées, okay, dans leur fonctionnement, comme par exemple le protocole E91. Et dans ce cas-ci, le niveau de sécurité du canal va être vérifié par une mesure de la violation de l'inégalité de Bell, qui, on l'a vu dans notre premier entretien, consiste à vérifier que les photons en jeu sont bel et bien corrélés. D'accord. Donc, ça paraît quand même assez complexe tout ça. Quels sont les défis pour réaliser un tel réseau de communication quantique? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, des défis à relever. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de défis. C'est encore un domaine en plein développement, encore à ses débuts. Et donc, un de ces défis, donc c'est possible il y a des démonstrations au laboratoire de canal de communication quantique à fibre optique sur quelques kilomètres, mais ça reste difficile de dépasser une centaine de kilomètres. Donc, on sait que nos communications globales, lorsqu'on veut communiquer, par exemple, en Asie, on va faire plusieurs milliers de kilomètres. Donc, pour assurer un canal de communication quantique jusqu'à ces distances, il y a donc un besoin de développer des répéteurs quantiques, okay, Ah qui va nous, oui, qui va nous, oui. donc, à Pour l'heure actuelle. transmettre l'information tout au long de la fibre optique pendant des milliers de kilomètres. Exactement, parce qu'après une certaine distance, les photons, il y a des pertes d'atténuation dans la fibre. Oui. Et donc, il y a de plus en plus de photons qui sont perdus. Et donc, il faut compenser cette perte grâce à des répéteurs quantiques. Et dans ce cas-ci, le défi, c'est que ces répéteurs doivent être en mesure d'extraire l'information quantique sans la modifier ou la détruire, l'enregistrer de manière temporaire dans une mémoire quantique qui va préserver le fragile état quantique. Et ensuite être retransmis sur une certaine distance de propagation. Ça donne un Ce qui petit n'est peu pas le donné. vertige, hein, ce niveau de précision, ça donne un petit peu le vertige, je trouve. Absolument. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, au niveau des répéteurs quantiques, parce que les distances restent encore limitées. Il y a aussi des avancées à faire dans le nouveau design de fibre optique, donc qui sont optimisées pour la transmission de qubits. Donc, notre groupe, on travaille là-dessus en ce moment, et aussi des recherches pour améliorer le niveau de sécurité des protocoles de distribution secrète de clés quantiques. Donc, il y a toujours de la recherche là-dedans. Et finalement, il y a aussi un autre défi se situe au niveau de développer des algorithmes et des programmes adaptés à l'architecture unique des ordinateurs quantiques. Donc, il faut développer des moyens de communiquer et de programmer ces ordinateurs. Et ça inclut le développement de codes de correction quantique qui essentiellement sont du code qui sont utiles pour corriger une partie des erreurs générées par le bruit ambiant, qui est une source d'erreurs importante dans tout le système quantique. Donc, vous particulièrement, vous travaillez plus sur la production des photons et leur propagation dans les fibres optiques et le développement de fibres optiques pour maintenir en bon état le signal émis par les photons et que le signal arrive en bonne et due forme tel qu'on l'a émis au début. Oui, donc on travaille beaucoup entre la source de photons corrélés ou source de photons uniques et les photodétecteurs qui vont les détecter. Et c'est donc la partie, tout ce qui est fibré. Et aussi, on travaille sur des façons de développer des nouveaux protocoles de distribution secrète de clés quantiques à haute dimension, donc qui va utiliser plus de niveaux que les qubits. D'accord. Et si je peux résumer donc toute notre discussion là, est-ce qu'on peut résumer de cette façon-là? Donc, d'une part, il faut produire les photons dans différents états quantiques. Il faut développer les fibres optiques capables de faire circuler ces photons et il faut développer des protocoles informatiques pour transmettre l'information véhiculée par ces photons sans déformer cette information. Est-ce que c'est à peu près une bonne façon de résumer tout ce que vous venez de dire? Oui, c'est une très bonne façon. Et j'ajouterais, c'est ça, au niveau des protocoles informatiques qui sont nécessaires pour traiter cette information quantique. Oui, Ouais, très bien. très bien. Bon, bah alors merci beaucoup, professeur Borang, pour toutes ces explications, nous avoir permis en deux épisodes finalement de rentrer dans ce monde un peu étrange quand même pour le commun des mortels de la mécanique quantique et de l'informatique quantique. Merci beaucoup, Bora. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour votre intérêt. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Bora Hung, qui est professeur au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure à Montréal. Ainsi se termine Futur Simple, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine sans faute. Et pour le moment, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de CKRL 89.1. Sentir le vide dans ma vie, comme si j'avais rien à vivre, comme si j'avais la vie vide, comme si quelque chose ou quelqu'un quelque part avait de l'acide, sans que j'aie son numéro, passer l'âge du trip d'acide. J'aimais juste le jeu de mots, l'image aussi était fluide, comme un manque, comme un down, comme un dimanche scrappé par une coupe de verre de trop. Je suis qui? Vie des gens tannés, pas de vivre, non, peut-être de suivre, sans conduire mon pédalo, passer l'âge qu'avait mon guide quand j'ai choisi son tombeau. Ah, pis là, je tape la traîne de mon kid, vivante pis grêle. Mais c'est dimanche, pis lui trouve le moyen de tout trouver beau. Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la. À Manhattan dans un cœur, il sent monter une vague des profondeurs. Pourtant j'ai des amis sans bye bye, du soleil, un amour, du travail. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la. Partout dans le monde, chaque seconde, des